branchés, tendances, toujours sur le fil de l'actualité, Podcast Science vous propose aujourd'hui un sujet brûlant, la cristallographie. Bon, ok, cette discipline a plus de 100 ans, mais l'année 2014 est officiellement l'année de la cristallographie et le prix Nobel de chimie de 2012 était cristallographie. Alors, on ne pouvait pas ne pas en parler ici. Mais on a choisi un angle un peu particulier, celui d'un matot. Notre cher Robin va nous expliquer tout sur la cristallographie. Vous êtes sur Podcast Science, nous sommes le mardi 21 octobre. Bonsoir et bienvenue. Autour de notre table virtuelle ce soir, donc comme vous pouvez l'entendre, malheureusement il n'y a pas Nico qui est en déplacement aux États-Unis, mais on a Irène qui est aussi aux États-Unis. Salut Irène, peut-être. Non, on a perdu Irène. Bon, c'est pas grave. Salut. Joanne qui est bientôt aux États-Unis. Salut tout le monde. Salut. Vous m'entendez? Oh non. Si si, on t'entend, Irène. Robin depuis Paris. Ouais. Qui va nous faire son magnifique dossier sur la cristallographie qui est tout prêt. Ouais, magnifique, tu ne l'as pas encore entendu. Ouais, mais c'est presque... j'aurais pu le lire. Et ben, je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec le dossier de Robin. Et ben, c'est parti alors. Allez, on t'écoute. Alors, qu'est-ce qu'un cristal? Alors, je suis un matheux, hein. je m'excuse à l'avance sur toutes les approximations barbares que je vais faire, mais qu'est-ce qu'un cristal? Bon, des fois que vous ne l'ayez pas déjà fait, je vous incite à regarder de près, par exemple, du sel, des grains de sel, ou du sucre cristallisé, ça au moins c'est dans le nom, on est tranquille, on voit ce que ça veut dire. Quand on regarde du sucre cristallisé de près, par exemple, ou du gros sel, on voit des cubes. Enfin bon, pas uniquement des cubes, on voit des formes un peu bizarres, mais on voit quand même globalement pas mal de cubes, et puis qui sont pas mal, quoi, qui sont vraiment des beaux cubes, donc on se dit que c'est quand même pas du hasard. Et puis quand on observe d'autres choses dans la nature, on peut observer des cailloux, des trucs qu'on rencontre, qui ont des formes géométriques très très régulières et tout. Donc voilà, la base de la cristallographie et des cristaux, c'est les gens qui ont remarqué qu'il y avait de la matière qui avait l'air d'être très bien rangée, qui avait l'air d'être très régulière. Et donc... leur idée a été de dire, ben, cette matière-là doit être faite avec des petites briques qui, elles-mêmes, doivent être toutes identiques, et bien rangées. Quand on observe un cristal qui a une forme vraiment de polyèdre avec des faces bien droites et tout, et que quand on le casse, les petits morceaux qu'on récupère ont la même forme que le gros morceau qu'on vient de casser, on se dit, ben, c'est pas du hasard, il y a un truc, quoi. C'est structurellement ce genre de forme. Donc un cristal, bon, pour l'instant, on va rester dans le flou. Globalement, c'est ça, c'est de la matière qui est bien rangée, qui est bien organisée. Alors, ouais, un exemple très simple qu'on peut prendre, si par exemple voilà, les grains de sel sont cubiques, c'est qu'à l'intérieur, il doit y avoir les petites briques élémentaires doivent avoir plus ou moins des formes de cubes, elles doivent avoir des angles de 90 degrés quelque part. Si on prend un autre exemple de cristaux qu'on peut observer dans la nature, alors oui, j'ai oublié de dire une chose importante, ce qu'on appelle le cristal dans le langage commun, ce n'est pas du cristal. Le cristal, le truc de luxe, machin, là, les verres de cristal, c'est pas du cristal. Et c'est bête en plus parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont du cristal, mais ça, non. C'est quand même malheureux. Mais oui, il y a des cristaux, par contre, dans la nature. Par exemple, il y a quelque chose qui est très connu, qui est la chaussée des géants, là, où on a des espèces de gros prismes à base hexagonale. Voilà. Ça, par contre, on se dit que la matière qui organise, qui fait que ça c'est bien organisé, ça va pas être des formes de cubes. Avec des fumes, cubes, on fait pas des hexagones réguliers. C'est pas très très naturel. Enfin, on peut, mais bref. Donc voilà, l'idée de base c'est celle-là. Si vous avez besoin d'une image pour vous représenter ça, prenez tout bêtement une plaquette de chocolat. Une plaquette de chocolat, clairement, c'est fait avec des petits carrés ou des petits rectangles. Et c'est clair que quand on la casse, enfin à moins de prendre une plaquette de chocolat déjà fondue ou trop fine ou des trucs pourris comme ça, si on la casse, bah forcément ça va faire des angles droits au bord de la tablette. Donc si on imagine une tablette très très très très très grande avec fait avec beaucoup de petits carreaux de chocolat rectangulaires ou carrés, et ben a priori on se dit ouais, quelle que soit la façon qu'on a de le casser, globalement l'aspect extérieur va être un rectangle ou un carré. Donc l'idée intuitivement c'est ça, c'est puisque vu de l'extérieur, vu à grosse échelle, c'est bien rangé, à l'intérieur, ça doit être aussi bien rangé. Si à l'inverse, on imagine une tablette de chocolat, ça n'existe pas a priori, mais qui serait faite en ruche d'abeille, en hexagone, a priori, la forme que prendrait le bord de la tablette, alors ça ne peut pas être des lignes complètement droites, parce que des hexagones côte à côte, ça ne fait pas des lignes droites, mais globalement, ça ferait des angles plutôt de 60 degrés ou de 120 degrés, qui correspond à l'angle de l'hexagone. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment ça, c'est intuitivement, la matière a l'air bien rangée de l'extérieur, ça fait des trucs bien droits, ça fait des angles bien précis et tout, donc à l'intérieur, ça doit être bien rangé aussi. Ça va, ça vous paraît intuitivement, ça vous parle ? Oui, c'est bon. C'est ah oui, c'est bon. C'est bon. C'est juste tout le monde s'était mis en mute. Exactement. J'ai eu très très peur un instant. Ok, tout va bien. Voilà. Alors, en première approche, je vais donc essayer de définir un peu les cristaux. Alors, s'il vous plaît, si vous avez des chimistes autour de vous, vous les éloignez tout de suite de l'antenne. Là, ça va faire saigner les oreilles. Je vais pas dire de conneries, mais je vais dire des trucs beaucoup trop simples pour eux. Donc, ça va leur faire mal. En gros, voilà, c'est de la matière fait de machins, on s'en fout, ça peut être des atomes, des molécules, des ions, des machins, mélangés, pas mélangés, on va simplifier à l'extrême, c'est des machins, tous identiques, tous les mêmes, qui sont rangés régulièrement, qui sont rangés périodiquement, qui sont rangés de façon, voilà, toujours de la même façon, côte à côte, les uns à côté des autres. Des trucs, voilà. Évidemment, pour étudier ça, on est en maths, on va dire des points ou des machins comme ça, on s'en fout, voilà. Ça y est, vous pouvez rappeler les chimistes, je vais commencer à redire des choses qu'ils peuvent entendre. Enfin, si vous voulez plus de détails, vous leur demanderez après. Hein. Moi, j'ai commencé à comprendre vaguement, mais c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Donc, l'idée pour étudier les cristaux et pour les classer, pour regarder comment ils sont faits, c'est de s'intéresser à ce qu'on appelle leur symétrie. Leur symétrie, c'est globalement ce qui va être conservé à toutes les échelles, ce qui va concerner ces histoires d'angles. Faut savoir que la notion de symétrie, pour un scientifique, est beaucoup plus large que la notion de symétrie que les gens connaissent généralement. C'est-à-dire qu'en gros, quand on sort de l'école, à peu de choses près, en tout cas en France, on connaît ce qu'on appelle la symétrie axiale. La symétrie axiale, bah, vous prenez un papillon, il est symétrique parce que si on trace la droite qui passe au milieu de son dos, et ben, si on retourne l'image du papillon, c'est exactement comme s'il n'avait pas bougé. Si on retourne le papillon autour de cet axe, c'est exactement comme s'il n'avait pas bougé. Et en fait, pour tous les scientifiques, la symétrie, c'est toutes les opérations qu'on peut faire qui font que c'est comme si l'objet n'avait pas bougé. Et donc, une symétrie d'objet, c'est cette opération-là, et c'est le fait qu'on puisse faire une opération qui fait que c'est comme s'il n'avait pas bougé. J'espère que ça reste à peu près clair. Je vais essayer de prendre des exemples tout de suite pour illustrer. Par exemple, un carré, il a évidemment quatre axes de symétrie. Hein. On peut le plier, enfin, on peut le retourner autour d'un axe vertical, d'un axe horizontal ou autour d'une de ces deux diagonales, enfin de chacune de ces deux diagonales. Et c'est comme si, à la fin du mouvement, c'est comme s'il n'avait pas bougé. Donc ça, c'est des symétries classiques. Et il a aussi ce qu'on appelle un centre de symétrie d'ordre 4. Alors, ça peut paraître barbare, c'est en fait très simple. Ça veut dire qu'au centre du carré, il y a un point. Si on fait tourner le carré autour de ce point, eh ben, au bout d'un quart de tour, c'est comme s'il n'avait pas bougé. Donc, comme c'est un quart de tour, ça veut dire qu'autour d'un tour complet, il se retrouve quatre fois dans une même position. On va appeler ça un centre de symétrie d'ordre 4. Évidemment, un triangle équilatéral, en son centre, il a un centre de symétrie d'ordre 3. Un pentagone régulier, en son centre, un centre de symétrie d'ordre 5, etc., etc. Une étoile à 6 branches a en son centre un centre de symétrie d'ordre 6, tout ça. Et on peut très bien avoir un centre de symétrie sans avoir d'axe de symétrie. Si vous imaginez comment on pourrait appeler ça ? Une étoile avec les branches qui tournent toutes dans le même sens, si elle tourne dans un sens, et ben quand on prend l'image dans un miroir, ça tourne dans l'autre sens, ça ne sera pas symétrique. En revanche, si on fait des sixièmes de tour, bah, ça fonctionne toujours aussi bien. Ça se recolle à lui-même, c'est comme si ça n'avait pas bougé. Alors ça, c'est la symétrie d'un objet seul. Vous n'hésitez pas à m'interrompre dès que ce n'est pas clair, hein, parce que j'ai conscience d'aborder un sujet qui est très difficile à aborder quand on n'a pas d'image. Donc je compte sur les... C'est très clair, tant mieux. Oui, c'est très clair. Alors là, j'ai parlé juste des symétries qu'on trouve dans un objet seul. Évidemment, quand on va parler de cristaux, ce qui va nous intéresser, c'est les symétries qu'on a dans un motif qui se répète. Alors, ce qui va se rapprocher tout de suite d'un cristal, un mathématicien, quand on parlait d'un cristal, enfin la version cristal pour les nuls dont je vous ai parlé, hein, ce qu'il va tout de suite avoir en tête, c'est un pavage périodique. un pavage périodique. Alors, un pavage, c'est, j'en ai déjà parlé dans le dernier freestyle, c'est assez marrant que ça retombe dessus, mais c'est donc on recouvre le plan sans laisser de vide. On utilise des formes, quelles qu'elles soient. Le but, c'est de recouvrir le plan sans laisser de vide. Et évidemment, on est en maths, donc on considère un plan infini. Hein. On ne va pas commencer à se préoccuper des problèmes qu'on peut rencontrer au bord, sinon ça va être infernal. Donc, on a un plan infini, on va le recouvrir. Un pavage périodique, eh ben, c'est un pavage où en fait, il suffit de connaître un tout petit morceau pour savoir comment le pavage est fait entièrement. C'est-à-dire, en fait, ce petit morceau, il suffit de le répéter, de le recoller de façon régulière dans deux directions pour avoir tout le plan, pour reconstituer tout le pavage. C'est exactement ce qu'on observe sur un papier peint. Hein, c'est l'image la plus simple qui est toujours prise, parce que c'est vrai que c'est très simple. Un papier peint, c'est toujours un motif qui se répète. On voit très bien comment c'est fait. Mais c'est ce dont tu parlais dans ta rubrique fail la dernière fois ? Ouais, voilà, c'est des pavages périodiques. Donc ça recoupe un peu ce que j'ai raconté la dernière fois, ouais. Donc c'est juste ça. On prend comme sur un papier peint un motif et on se contente de le répéter tout le temps de la même façon. Mais t'inquiète, après il y a beaucoup d'autres choses que dans la rubrique fail. On va s'en rééloigner assez vite. Donc, alors on va essayer de regarder ce que ça veut dire les symétries d'un pavage. On va commencer vraiment très simple. On va prendre le pavage que tout le monde connaît le mieux, qui est le pavage fait de carrés. Alors, tout le monde, n'importe qui, là, vous avez tous autour de vous un pavage fait avec des carrés, c'est pas possible autrement. Vous avez une salle de bain, vous avez une cuisine dans laquelle il y a des carrelages carrés, vous avez une feuille à carreaux à côté de vous, et les carreaux, bah, ça fait un pavage carré, vous avez une chemise à carreaux, enfin, vous débrouillez, vous avez un plafond avec des carrés-carreaux, avec des carrés. Tout le monde, c'est pas possible de pas voir de là où on est un pavage avec des carrés, il y en a partout. Donc, vous le prenez, vous le regardez, et vous l'imaginez donc évidemment infini. Si vous le regardez, donc vous prenez n'importe quel centre de carré, au centre de ce carré-là, et donc on ne fait plus tourner que le carré, on fait tourner l'intégralité du pavage. Au centre du carré, on a un centre de symétrie d'ordre 4. Si je fais un quart de tour, c'est comme s'il n'avait pas bougé. Mais en plus, j'ai d'autres centres de symétrie d'ordre 4. Par exemple, j'ai un sommet de carré, là où 4 carrés se rencontrent. Bah là aussi, j'ai un centre de symétrie d'ordre 4. Si je fais des quarts de tour, là encore, c'est comme si le pavage n'avait pas bougé. Et j'ai encore d'autres centres. Alors ceux-là, c'est les plus durs pour les gens qui ne sont pas habitués, donc j'y vais doucement. Si on prend le milieu d'un côté de carré, donc c'est en fait le milieu de deux côtés de carré, puisqu'ils sont collés par les côtés, là, je peux faire un demi-tour à mon pavage autour de ce point, et c'est exactement comme s'il n'avait pas bougé. Est-ce que vous avez suivi toutes ces histoires de centres de symétrie d'ordre 4 et donc d'ordre 2, puisque là, il s'agit d'un demi-tour? Vous êtes tous en train de tourner la tête devant votre carrelage de salle de bain, c'est ça? On a quitté notre poste. C'est clair pour le moment. C'est clair pour le moment. Formidable, merci. C'est encourageant. Je sais pas si, j'espère que c'est pour tout le monde. Bien, donc là, voilà, bah, les symétries donc, d'un pavage réalisé avec des carrés. Il y a les axes de symétrie classiques que tout le monde peut trouver habituellement. Et puis, vous avez des centres de symétrie d'ordre 4 et d'ordre 2. Si vous prenez d'autres carrelages qu'on peut trouver dans certaines salles de bain, alors là, tout le monde ne l'a pas dans sa salle de bain, mais tout le monde l'a déjà vu un jour, ou dans une cuisine, ou dans des halls d'immeubles, il y a un pavage qui est fait avec des octogones et des carrés mélangés. En fait, c'est comme si on prenait des carrés et que là où les carrés se rencontrent par 4, on insère des petits carrés en coin, en diagonale, en biais. Donc, ce pavage-là, qu'on peut observer encore une fois pas mal d'endroits, faites un dessin, vous l'avez déjà vu. Je répète, on prend des carrés et à chaque intersection de 4 carrés, on insère un petit carré en biais. Et bien, celui-là, il va avoir exactement les mêmes symétries que le pavage réalisé avec des carrés. Et vu comme je viens de le décrire, c'est assez naturel. C'est-à-dire qu'en fait, c'est juste un pavage avec des carrés sur lequel on a rajouté des dessins. Il y a d'autres pavages qu'on peut étudier. Il y en a un qui est relativement simple, celui qui est fait avec des hexagones réguliers, la ruche d'abeilles, tout le monde a déjà vu ça. Et là, évidemment, vu qu'il y a des hexagones réguliers, et ben là, ça va être des centres de symétrie d'ordre 6. Et puis là où les hexagones se rencontrent, ben, ils se rencontrent par 3, donc il va y avoir des centres de symétrie d'ordre 3. Voilà, bon, je ne vais pas multiplier les exemples parce que ça serait un peu trop compliqué. Comme là, je me suis dit que les cerveaux allaient énormément fumer après avoir essayé d'imaginer tous ces différents carrelages en train de tourner, voir qu'il y avait des gens qui allaient être perdus et tout, Je me suis dit, c'est le moment ou jamais, on essaye d'illustrer ça de façon sonore. Alors attention, j'ai le piano, je me lance sans filet parce que j'ai enregistré les trucs, mais c'est un peu pourri. Donc, je me lance. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire en son, ces machins-là ? Eh bien, par exemple, on prend un motif et on le répète. Hein, l'idée d'un travail périodique, c'est on va répéter toujours la même chose. Donc, je prends un petit motif, par exemple. Voilà. Est-ce que vous entendez bien ? Oui. Voilà. Très bien. Et donc, je vais le répéter. Donc, ça, c'est le motif. C'est comme si je prenais juste un carrelage, un carreau, carré ou hexagonal ou quoi. Et maintenant, bah, l'équivalent du pavage, alors évidemment, c'est quand une dimension, hein, parce qu'on fait ce qu'on peut, ça serait ça. Voilà. Là, il n'y a pas de symétrie particulière, il n'y a rien, à part le fait que ça se répète. C'est tout ce que ça fait, c'est un peu... voilà, c'est tristoun. C'est quelque chose qui est très peu symétrique. En revanche, je peux imaginer, par exemple, un motif comme celui-là, que tout le monde connaît bien. Celui-là, on se rend bien compte qu'il a quelque chose de particulier, il a une symétrie en plus, il a un axe de symétrie en fait, c'est-à-dire que si je le joue à l'endroit ou à l'envers, on va entendre la même chose. Donc celui-là, voilà, il est symétrique, et si je réalise maintenant le motif avec, on réalise qu'il y a une symétrie autour de cette note-là, comme elle existe déjà dans le motif sol, mais il y a aussi entre deux répétition de motif. On pourrait aussi mettre un miroir à cet endroit-là, quoi. On pourrait aussi décider que c'est à partir de là qu'on le joue à l'envers et on ne se rend pas compte de la différence. Donc là, on a une symétrie. C'est la symétrie qu'on pourrait appeler palindrome. C'est quelque chose qu'on peut entendre dans un sens ou dans l'autre sans modification. On peut imaginer des motifs très très différents qui font la même chose, hein. C'est évidemment, si je fais... Alors ça, c'est intéressant parce que ce motif-là, lui-même n'est pas symétrique. Mais si je le répète plusieurs fois, là, il y a une symétrie qui va apparaître qui n'est pas dans le motif de base, qui est la même exactement que juste avant, c'est-à-dire que je peux en fait l'écouter dans un sens ou dans un autre et je vais entendre exactement la même chose. On peut imaginer une symétrie très différente de ça, qui serait la symétrie miroir. En gros, je peux échanger les sons graves et les sons aigus et je vais entendre la même chose. Par exemple, si je fais... c'est quelque chose, il y a les voisins qui ne sont pas contents, j'espère que vous les entendez. Si on fait ce motif-là, j'ai une note qui part, j'ai des notes qui partent vers le haut pendant que j'ai des notes qui partent vers le bas. Et donc, bah, je peux dire que je peux échanger les notes qui vont vers le haut et les notes qui vont vers le bas. Je vais avoir un miroir là qui, ce coup-ci, va plutôt se placer en horizontal. Voilà, et là, par contre, j'ai pas de palindrome. J'ai pas d'histoire de palindrome si je répète ce motif-là. Bon, j'espère que ça a permis éventuellement à certains de comprendre un peu mieux ces histoires. En tout cas, que ça vous a fait une petite récré, que ça vous a fait une petite pause au milieu de ces trucs un peu arides, faut bien le reconnaître. Voilà. Et donc, l'idée surtout de la périodicité, quoi. L'idée de dire, voilà, on répète quelque chose. Un pavage, un motif, un cristal, c'est toujours cette idée qu'on répète. On a une brique de base et on se contente de la répéter. Alors, on reprend l'histoire des pavages. Alors, un pavage, on est d'accord que là, quand je suis en train de parler de pavage, je suis en train de parler de cristaux pour les nuls, hein, puisque je suis en train de parler de cristaux en deux dimensions et qu'un vrai cristal, évidemment, il est en trois dimensions. Mais c'est quand même un peu moins compliqué et ça permet, en fait, de comprendre déjà l'essentiel. En fait, un pavage, bah, je vous l'ai déjà dit un petit peu tout à l'heure, il y en a qui se ressemblent vraiment beaucoup, il y en a qui ont exactement les mêmes symétries. Et en fait, quand on regarde toutes les symétries qu'ils peuvent avoir, eh bien, ils peuvent pas en avoir tant que ça. Il n'y a pas tant de pavages vraiment différents les uns des autres que ça. En fait, c'est même carrément nul quand on réfléchit bien. Par exemple, donc le pavage avec des octogones et des carrés, je vous ai dit, c'est un pavage avec des carrés qui est juste décoré. Et en fait, si vous essayez vous-même de trouver des pavages périodiques, soit que vous en cherchiez sur Internet, soit que vous regardiez autour de vous, soit que vous essayez d'en dessiner, vous allez vous rendre compte que c'est très très vite, très très limité, et qu'en fait, la seule chose qu'on peut faire, c'est décorer, c'est-à-dire rajouter des trucs par-dessus, ou éventuellement étirer dans une direction ou dans l'autre, le pavage formé avec des carrés ou le pavage formé avec des hexagones réguliers. En fait, c'est les deux seuls qui existent fondamentalement. Par exemple, si vous prenez le pavage qui est réalisé avec des triangles équilatéraux, donc ça, c'est assez naturel, on prend des triangles équilatéraux, ils se rangent assez bien, on peut en mettre 6 autour d'un. Mais quand on en met 6 ensemble, en fait, on a formé un hexagone régulier, donc c'est juste un hexagone régulier sur lequel on a rajouté des traits. Là encore, on a dessiné dessus. C'est le même. Et en fait, ce qui peut convaincre qu'on ne peut pas en trouver d'autres, c'est tout simplement d'essayer de trouver les pavages les plus simples possibles. C'est ceux qui peuvent se faire avec juste une seule forme qui est en plus un polygone régulier. Et puis après, donc avec un polygone régulier, avec un triangle équilatéral, bah, je viens de le dire, en fait, c'est la même chose que des hexagones décorés. Avec des carrés, bon, bah, ça va, c'est fait, ça marche. Avec des pentagones réguliers, si j'essaye de faire un pavage avec des pentagones réguliers, là, je vais rencontrer un gros problème. Il faut se rendre compte pour ça qu'un carré a un angle plus grand qu'un triangle équilatéral. Un pentagone régulier a un angle plus grand qu'un carré. Un hexagone régulier a un angle plus grand qu'un pentagone régulier. Tout ça, c'est logique, en fait, quand on prend que les polygones réguliers, c'est-à-dire tous les côtés sont les mêmes et tous les angles sont les mêmes, plus il y a de côtés, plus les angles sont grands. Eh bien, avec des carrés, quand on pave, on en met 4 autour d'un sommet. On en met 4 ensemble pour fermer, quoi. Avec des hexagones réguliers, on en met 3 autour d'un sommet pour que ça se colle bien. Donc, un pentagone régulier, bah, en fait, il faudrait, pour pouvoir faire un pavage avec, pouvoir en mettre plus que 3 et moins que 4, ce qui est quand même compliqué quand on est dans les nombres entiers. Donc, en fait, avec des pentagones réguliers, vous pouvez essayer, vous pouvez regarder, là encore, j'ai mis une image normalement, mais on peut pas faire de pavage, on peut pas réaliser de pavage, c'est-à-dire j'en mets 3 et il reste un peu de place, il reste un petit angle, mais qui est trop petit pour en mettre un quatrième. Donc avec un pentagone régulier, on ne peut pas paver. Et ensuite, l'hexagone régulier, on peut. Et après, bah, comme je vous ai dit, les angles sont de plus en plus grands. L'hexagone régulier, il y a 3 hexagones autour d'un sommet. Et bien, si j'ai un angle plus grand, avec l'heptagone régulier, l'octogone régulier, etc., bah, c'est-à-dire que je ne pourrai jamais en mettre 3. Et on ne pourra jamais faire un sommet où il n'y a que 2 polygones qui se rencontrent, ça n'a pas de sens. C'est plat. Donc ça ne marche pas. Donc en fait, les seuls pavages réguliers qu'on peut faire, c'est-à-dire avec un polygone régulier répété, c'est avec des triangles équilatéraux, des carrés ou des hexagones réguliers. C'est les 3 seuls qui existent. Et en fait, les triangles équilatéraux, c'est déjà en fait l'hexagone régulier décoré. Après, on peut les étirer. Donc les étirer, par exemple, je peux obtenir le pavage avec des rectangles à partir de celui des carrés. Mais en fait, quand on dessine dessus ou qu'on les étire, on peut faire disparaître des symétries, on peut enlever des symétries. Par exemple, si j'ai des rectangles au lieu de carrés, les centres des rectangles, c'est plus des centres de symétrie d'ordre 4, il faut faire des demi-tours, c'est des centres de symétrie d'ordre 2. Donc j'ai perdu une symétrie. Si je fais des vagues, des trucs qui tournent, je vais perdre des axes de symétrie. Donc je peux perdre des symétries, je ne peux pas en gagner de nouvelles, je ne peux pas en faire d'autres. Et donc en fait, vu que dans les pavages d'hexagones réguliers, dans les pavages de carrés réguliers, les seuls centres de symétrie, c'est d'ordre 2, 3, 4 et 6, et bien dans tous les pavages périodiques possibles et imaginables, les seuls centres de symétrie que je vais avoir, c'est des centres de symétrie d'ordre 2, 3, 4 et 6 et rien d'autre. Si dans un pavage périodique quelque part, je pouvais avoir des centres de symétrie d'ordre 5, ça voudrait dire qu'en fait derrière, il y a un pavage fait avec des pentagones réguliers qu'on s'est contenté de dessiner dessus. Mais comme on sait que c'est pas possible de paver avec des pentagones réguliers, eh ben on sait que ça se rencontrera jamais. Voilà, ça c'était le gros morceau du truc. J'espère que c'est passé. C'est le truc où je me disais, sans image, c'est complètement passé, impossible. Oui. C'est passé, vous êtes vraiment trop gentil. Non, ça va, ça va. Ça va. Bon. Donc le truc à retenir, c'est ça. Hein. C'est les seules symétries qu'on peut trouver dans un pavage. Dans un pavage périodique. J'oublie rien, parce qu'évidemment, j'ai fait un texte, mais je m'en suis complètement éloigné. Enfin, je ne l'ai pas du tout lu, mais je crois que c'est bon. Je crois que j'ai rien oublié de grave. Je dis aussi tout de suite à ceux qui s'impatientent, qui pensaient entendre parler de chimie et qu'entendre parler que de maths depuis un moment, que je ne perds pas du tout mon sujet de vue, mais pas du tout. Et au point que tout ce que je suis en train de vous raconter, dans les personnes qui ont le plus fait avancer tous ces travaux, le fait d'étudier ça, de trouver qu'il n'y a que ça comme symétrie possible, etc., etc., il y a des chimistes. Enfin, il y a des chimistes, il y a des matheux, enfin, c'est des gens qui faisaient les deux ensemble et qui, à la limite, je pense, s'en foutaient de savoir si on les appelait des mathématiciens ou des chimistes. Tellement c'est un endroit où les deux problèmes sont complètement imbriqués. Puisqu'encore une fois, les cristallographes, ce qui les intéresse, c'est de savoir quels sont tous les types de cristaux qui peuvent exister, comment on sait s'ils sont d'une même famille ou pas, etc. Alors évidemment, ce résultat-là, le type de symétrie qu'on peut avoir, c'est un résultat, du coup il faut refaire la même étude en 3 dimensions pour pouvoir s'intéresser aux cristaux. Et ça c'est une étude qui a été menée notamment par Fedorov, un chimiste, qui a cherché tous les types de famille de pavage de l'espace qu'on pouvait trouver, quels sont tous les types de symétrie qu'on peut trouver. À plat, c'est un résultat qui est connu, qui est très connu, il y a exactement 17 familles de pavage différents possibles, c'est tout. On le sait depuis longtemps maintenant. En fait, 17 types de pavage, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a la famille de pavage où on n'a aucune autre symétrie que juste le fait de reporter un motif toujours le même, voilà. Et puis après, on peut dire, j'ai ça, mais j'ai quand même une symétrie en plus. J'ai un axe de symétrie, par exemple. Et puis, voilà. Et on va essayer de regarder comment on peut combiner toutes les différentes symétries qu'on a à portée de main. Et il y en a qui sont pas compatibles entre elles. Il y en a, si on en a deux, bah, on a forcément une troisième qui vient en plus, etc., etc. Donc, en fait, si on fait toutes les combinaisons possibles, on voit qu'il n'y a que 17 types de pavage du plan. Et donc, on peut faire le même travail dans l'espace. Et tout ça, ça nous donne en fait tous les types de cristaux, toutes les familles de cristaux qui peuvent exister en regardant leur symétrie. Et donc, leur symétrie, c'est à la fois la symétrie des briques, ou en tout cas la symétrie des briques telles qu'elles s'assemblent localement, et aussi du coup la symétrie du cristal quand on va le voir en grand. C'est vraiment, c'est quels sont le cristal, si je lui fais faire un quart de tour, est-ce que c'est comme s'il n'avait pas bougé? Bah c'est, est-ce que à toute petite échelle, quand j'assemble mes machins, quand je fais un quart de tour, ça n'a pas bougé? C'est comme si ça n'avait pas bougé. On est vraiment, c'est vraiment la notion qui va être très utile pour cette étude-là. Voilà, alors ça c'était donc la partie très très maths, hein. Alors maintenant, on va revenir du côté des chimistes. Depuis le début du XXe siècle, les chimistes ont un test extraordinaire, génial. Ils ont le truc qui marche super bien pour savoir étudier la matière, pour regarder comment elle est rangée. C'est les rayons X. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que, évidemment, je n'y connais absolument rien. Mais en gros, on bombarde une matière de rayons X et les rayons X ont traversé la matière. Et alors là, c'est très, enfin, si vous avez suivi jusque-là, c'est assez intuitif. Ça va traverser un truc qui est soit bien rangé si c'est un cristal, soit complètement en désordre si c'est pas un cristal, si c'est ce qu'on appelle de la matière amorphe. Si ça traverse de la matière amorphe, bah les rayons X ils vont aller dans n'importe quelle direction, ils vont faire n'importe quoi, ils vont se cogner dans tous les sens et ils vont ressortir en faisant une tache dégueulasse qui n'y a rien de particulier parce qu'ils vont être tout désorganisés. Si en revanche ils traversent un réseau, par exemple, qui est formé de plein de cubes, eh ben ça va ressortir très fort à certains endroits et pas du tout à d'autres. Ça va ressortir bien rangé. En fait, on va observer une image à la sortie qui va avoir exactement les mêmes symétries que le cristal que ça a traversé. Enfin, que la matière que ça a traversé. Donc, si la matière n'a aucune symétrie, si c'est de la matière amorphe, ça fait une tache. Si c'est un cristal, ça va ressortir avec exactement les symétries du cristal. Donc, ça va nous révéler comment le cristal est fait. Donc, ça, c'est quand même vraiment que du bonheur. C'est vraiment très bien. C'est exactement ce qu'on voulait. Donc c'est de cette époque aussi que date la définition des cristaux, où en gros, j'en ai discuté un peu avec des cristallographes, bah en gros c'est, on balance des rayons X, si ça donne un truc bien régulier, périodique, tout ça, c'est un cristal, et puis en plus on a ses symétries, si ça donne une tache, c'est de la matière amorphe. Le monde se divise en des catégories, tout est simple. Donc la définition officielle à l'époque, je ne l'ai pas retrouvée malheureusement, je l'ai cherchée, mais en gros, c'est pas grave, en substance, c'est de la matière dont la diffraction donne quelque chose de périodique, de bien rangé. Et c'est là que ça devient très intéressant. Parce que en 1982, alors c'est bien après, hein, Daniel Schechtman, donc la cristallographie était une discipline bien installée, tout le monde sait ce que c'est qu'un cristal et tout, il étudie un nouveau matériau. Alors c'est quelque chose, je me suis renseigné, attention, il mélange de l'aluminium et du manganèse et il fait refroidir ça très vite, un truc comme ça. Et il observe ça avec ce fameux test des rayons X. Et là, il observe des petits points, donc pas une tache. Donc clairement, c'est de la matière organisée. Donc clairement, c'est un cristal. Sauf que les points sont rangés en pentagone régulier. C'est-à-dire que les points sont rangés avec des symétries d'ordre 5. Autrement dit, il est en train d'observer quelque chose dont il sait pertinemment que c'est impossible. Ce qui est toujours très fâcheux. Le pire, c'est que, enfin, quand je dis, il sait que c'est impossible, il sait que c'est impossible. C'est-à-dire que vous faites des études de cristallographie à l'époque, et même encore maintenant, d'ailleurs, la première chose qu'on vous enseigne, c'est que comme c'est de la matière périodique bien rangée, eh ben, il ne peut pas y avoir de symétrie d'ordre 5 dedans. Ça, on le sait, c'est démontré depuis 100 ans, tout ça, hop, on passe à la suite. Et lui-même l'enseigne à ses étudiants, enfin bon, il sait faire la démonstration de trois façons différentes, en faisant le Poirier, tout ça, enfin bon. Donc, il est quand même très perturbé. Il va en parler à son chef. Alors, je raconte cette histoire, je l'embellis peut-être un peu avec le temps, mais j'ai eu la chance d'assister à une conférence de Schechtman lui-même, donc c'est comme ça, plus ou moins, qu'il le raconte. Hein. Il est allé en parler à son chef, qui lui a dit gentiment, t'es gentil, mais tu vas aller réviser tes cours de première année, hein. Moi je suis sérieux, j'ai pas que ça à faire d'écouter quelqu'un qui raconte n'importe quoi. Donc Schechtman évidemment comprend pas, il dit non mais enfin j'y peux rien quoi, je l'ai observé, j'ai observé un truc, ok je sais que c'est impossible mais je l'ai observé, voilà. Et il finit même par se faire virer de son labo, il essaye de se faire publier, il essaye d'en parler un peu autour de lui pour que d'autres personnes essayent de refaire l'expérience et lui en parlent. En 1984 enfin, alors il y a quelques cristallographes qui ont réussi à retrouver le même genre de résultat que lui. Et il arrive enfin à se faire publier et à montrer son truc bizarre de « c'est un cristal, mais il y a des symétries d'ordre 5 dedans ». Et puis il y a d'autres cristallographes qui s'y intéressent, tout ça. Et enfin, parce qu'évidemment, s'il n'y avait pas cette morale-là, cette histoire-là, je ne vous la raconterais pas, il y a un jour où certains pensent en parler à des matheux. Et alors là, bon, là, c'est de la reconstitution tout à fait personnelle, j'imagine que ça ne s'est pas passé comme ça, mais j'aime bien le raconter comme ça. En gros, il y a des matheux qui voient leur truc et qui disent « Mais c'est quoi votre problème ? C'est un truc quasi périodique, on sait très bien ce que c'est, ça. On a fait ça il y a 10 ans, juste pour le fun, pour se marrer, vous n'avez pas regardé, c'était marrant pourtant. » Voilà, alors, en gros, il va falloir revenir en arrière pour savoir ce que les matheux ont fait, tout seuls dans leur coin, sans en parler aux cristallographes, parce que, évidemment, personne ne pouvait penser que ça intéresserait un jour les cristallographes. En 61, il y a quelqu'un qui s'appelle Wang qui a posé un problème. Alors, j'essaye de le poser de la façon la plus simple possible. Le problème posé par Wang est celui-ci. Est-ce que c'est possible de réaliser un pavage non périodique ? Enfin, en fait, de trouver un certain nombre de formes, de bases, un nombre fini de formes, qu'on peut avoir chacune en une infinité d'exemplaires, évidemment, mais un nombre fini différent de formes, qui permet de réaliser un pavage du plan, donc qui permet de remplir le plan sans laisser de vide, sans être périodique, sans que ce pavage soit périodique, c'est-à-dire sans qu'il soit possible de trouver un extrait du pavage qui suffit de répéter pour obtenir le pavage intégral, entièrement. Donc ils posent ça en 61 comme question, les mathématiciens ça les amuse, ils disent « Ah ouais tiens, c'est un joli problème, c'est rigolo, est-ce que c'est possible de faire ça ?» Wang lui-même avait plutôt a priori dans l'idée que c'était pas trop possible, tout ça. Et puis il y a des gens qui finissent par trouver, il y en a un qui trouve avec je sais plus combien de milliers de pièces, enfin un truc complètement monstrueux, mais voilà, il trouve. Et puis après, bon, les gens trouvent des choses de mieux en mieux. Le pavage le plus connu qui est trouvé, c'est le pavage de Penrose, qui est vraiment très très connu. Et le plus connu, c'est un pavage qui n'est fait qu'avec deux formes. Il y a juste deux formes, avec des petites encoches pour ne pas pouvoir les assembler les unes à l'autre comme on veut. Et en fait, si on suit les règles d'assemblage, on est assuré, Penrose arrive à le démontrer, que oui, ça peut faire un pavage sans laisser de blanc, et que ce pavage ne sera pas périodique. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de comment on démontre, j'ai aucune idée de comment on démontre, mais il arrive à démontrer ça. Et alors, ce pavage-là, j'ai mis une image, il faut absolument la passer dans la chatroom, il est très très beau. Ce pavage de Penrose. Et en fait, quand on le regarde, et pour ceux qui écoutent, allez le regarder dès que vous avez un accès à Internet, absolument partout, partout, partout dans ce pavage, il y a des étoiles à 5 branches. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un pavage qui n'est pas périodique, il n'y a pas de problème, donc il n'a pas de symétrie, mais si on prend juste un morceau de pavage, il y a plein de morceaux de pavage, plus ou moins gros, sur lesquels il y a des centres de symétrie d'ordre 5. Ça marche jamais avec l'intégralité du pavage, ça on sait que c'est pas possible. Mais un peu partout, il y a, sur des morceaux de pavage, des centres de symétrie d'ordre 5. Donc c'est pas périodique, mais c'est pas n'importe quoi non plus, c'est assez bien rangé. Et on retrouve partout des centres de symétrie d'ordre 5, donc c'est quelque chose qui peut et qui va très rapidement servir de base à des modèles de ce que Schechtmann a observé. Ça va permettre de décrire ce que par la suite on va appeler les quasi-cristaux. J'avais prévu de vous faire écouter encore un son, je vous le passe, je vous explique un peu avant. C'est, d'un point de vue sonore, ce qui peut le mieux se rapprocher d'un pavage quasi-périodique, il me semble. En fait, c'est les décimales de pi au piano. Alors, pour les matheux, je dis en plus la petite touche classe, c'est que c'est pi en basse 12, puisque comme il y a 12 notes sur un piano, si on fait pi en basse 10, c'est nul, il y a que 10 notes sur 12 qui sont utilisées, donc c'est complètement pourri. Donc là, il y a quelqu'un qui a fait ça, il a passé pi en basse 12, donc chaque chiffre correspond à une note sur les 12. Hein, do dièse, ré dièse, mi fa, etc. etc. Et donc là, ce qu'on va entendre, c'est des décimales de pi. Pourquoi ça a un rapport avec ce que je raconte avant ? Parce que on le sait depuis très longtemps, les décimales de pi ne sont pas périodiques. On parle aussi de période quand on parle de nombres. Par exemple, si on prend un tiers, c'est 0,333333333, il y a une période qui est de un chiffre, qui est le 3 qui est répété tout le temps. Si on prend un septième, le résultat c'est 0,142857, 142857, 142857. Là encore, il y a une période qui est 142857, une période de 6 chiffres qui va se répéter. Pi, on sait qu'il n'y aura jamais de période. Et pourtant, comme il n'y a que 12 notes, on ne peut pas non plus faire des choses tout le temps complètement différentes. Et donc, la chose de commune avec un pavage quasi périodique, c'est que si on prend n'importe quel motif, on prend n'importe quelle suite de notes, vous imaginez n'importe quelle suite de notes parmi les 12 prises au hasard, vous allez la retrouver dedans. Et vous allez la retrouver dedans une infinité de fois. Mais quelle que soit la taille et le motif que vous choisissez, il ne suffira jamais à obtenir tout pi en se contentant de le répéter, puisque justement, ce n'est pas périodique. Donc j'espère que l'explication est claire. Et donc maintenant, je vais vous faire écouter ce que ça donne, ces décimales de pi. Bon, j'arrête ici. Pour ceux que ça intéresse, de toute façon, on mettra le lien dans la chatroom. Et donc ça, eh ben, c'est quelque chose, on sait qu'il n'y a pas de période à ça. Donc voilà, encore une fois, hein, c'est quelque chose de non périodique, ça. Et donc j'imagine qu'effectivement, tout le monde a marqué, il n'y a pas de motif qui revient régulièrement, etc. Mais en revanche, si vous l'écoutez assez souvent, n'importe quelle suite de notes, vous l'entendrez une infinité de fois. Enfin, en tout cas, pour Pi, ce n'est pas démontré, mais on pense vraiment que c'est comme ça. Et pour les pavages non périodiques, c'est le cas. C'est-à-dire que n'importe quel extrait du pavage, on le retrouvera une infinité de fois. Mais il ne suffira jamais à reconstituer le pavage en entier. Donc voilà, donc ça c'est la belle histoire. C'est que donc les mathématiciens avaient trouvé juste pour le fun dans les années 70 quelque chose qui s'est trouvé être central pour les cristallographes dans les années 80. Ça a été vraiment ce qui leur a permis de trouver des modèles pour ce qu'ils ont appelé par la suite les quasi-cristaux. Il aura quand même fallu 10 ans après la première observation de Schechtmann pour que les cristallographes modifient leur définition des cristaux. Donc ça n'a été fait qu'en 92. On ne peut pas dire que la science soit toujours très très rapide. Leur nouvelle définition, au lieu de dire que c'est de la matière qui est organisée de façon périodique, c'est quand on fait le test avec les rayons X, ça donne quelque chose de périodique. Eh bien non, c'est maintenant la définition, c'est ça donne quelque chose de discret, c'est-à-dire ça donne des points, ça donne pas une tâche. Mais on ne précise pas que les points vont avoir une organisation périodique. Donc ça inclut les quasi-cristaux. Si c'est périodique, c'est des cristaux. Si ce n'est pas périodique, eh bien c'est pas grave. C'est un quasi-cristal, mais c'est pas non plus n'importe quoi, c'est pas de la matière amorphe. Alors, si ça a mis autant de temps que ça à être admis, faut quand même que je raconte cette histoire qui est très belle. En fait, c'est que un des plus grands détracteurs de Schechtmann, ça a pris des années hein, quand même, Schechtmann, avant que, ben, vous voyez, 10 ans avant, entre sa première observation et la reconnaissance officielle par les cristallographes de l'existence des quasi-cristaux. Et une des causes de cette lenteur, c'est l'opposition d'un chimiste extrêmement connu, extrêmement célèbre, qui a fait des choses extraordinaires, qui est Linus Pauling. Je ne sais pas comment on prononce. Et en fait, ce type-là, Linus Pauling, a quand même 2 prix Nobel, ce qui est quand même pas très courant. Il a le prix Nobel de la paix et le prix Nobel de chimie. Et Pauling refusait absolument, absolument l'existence des quasi-cristaux. Pour lui, c'était une aberration, ça ne faisait aucun sens. Et donc, en fait, il s'est vraiment opposé. Il a balancé énormément de saloperies sur Schechtmann. Il a dit tout le mal qu'il pensait en disant que vraiment, c'était n'importe quoi, que c'était un rigolo, que c'était un charlatan, etc. Donc, évidemment, quand un prix Nobel dit ça, c'est quand même difficile de se battre, quoi. Alors, en revanche, évidemment, de Schechtmann sur Pauling. Ah, mais je me suis planté, d'ailleurs, au début. Je l'ai modifié depuis. C'est pas en 2012 qu'il a eu le prix Nobel. Schechtmann, c'est en 2011. Donc, Schechtmann a eu le prix Nobel en 2011. C'est quand même une belle revanche pour quelqu'un qui s'est fait taper dessus pendant 10 ans par un prix Nobel. Il a eu le prix Nobel pour sa découverte des quasi-cristaux. Les quasi-cristaux, par ailleurs, pour ceux que ça intéresse, mais j'ai jamais réussi à trouver une documentation vraiment très très fiable là-dessus, mais auraient a priori des applications, notamment pour faire des poêles de cuisine anti-adhésive, mais apparemment on en a parlé dans les années 90, puis plus du tout depuis, donc je sais pas si ça a vraiment fonctionné. Voilà, alors il reste encore un souci, a priori, si j'ai bien compris, aux chimistes à propos des quasi-cristaux, qui est que c'est très curieux, parce que si vous essayez vous-même de faire un pavage, par exemple le pavage de Penrose, vous aurez beau suivre scrupuleusement les règles du jeu, les assembler, et que localement tout ait l'air de bien se passer, régulièrement, si vous y allez au hasard, vous allez vous retrouver coincé, alors que vous avez respecté la règle du jeu, alors que tout va bien. C'est-à-dire qu'en fait, ça fonctionne théoriquement, mais pour le faire en pratique, vaut mieux vraiment y réfléchir à plusieurs fois. Et si on le fait un peu au hasard, un peu comme ça vient, tout en suivant les règles du jeu, ben en fait, on a toutes les chances de se retrouver coincé au bout d'un moment. Et donc, du coup, c'est quand même très compliqué à comprendre comment on peut observer de façon stable dans la nature de telles structures, alors que quand on essaye de les faire avec des briques en puzzle ou quoi, ben on se plante régulièrement, enfin, on se retrouve coincé régulièrement. Donc ça, c'est apparemment une question qui reste posée à propos des quasi-cristaux. Et voilà, ben c'est à peu près tout ce que je voulais raconter. J'espère que c'était à peu près compréhensible sans les images. C'était ouais, très bien. Intéressant. C'était vraiment bien, ouais. Bon, bah tant mieux, merci. Je me disais que c'était pas possible sans images, mais... Non, c'était super. Moi, j'ai bien aimé les figures de diffraction, mais c'est parce que je suis opticien, mais je savais pas que c'est comme ça qu'on faisait les cristaux, et ça m'a presque réconcilié avec la cristallographie. Bah, c'est rigolo en fait la cristallographie. Je trouve ça, c'est un côté très très. Enfin, le début est très simple, quoi. Après, quand tu discutes avec des collègues de médiateurs en chimie à côté de mon bureau, quand tu commences à m'expliquer les détails, c'est pour ça que je dis faut éloigner les chimistes, quoi. Quand tu commences à t'expliquer qu'en fait, mais non, mais c'est plus compliqué que ça parce que ça peut être deux trucs mélangés dans un cristal et tout. Je dis hop, on s'arrête. Voilà. Bon, alors, je sais pas s'il y a des questions ou si tout est clair ou si vous voulez un plus un peu. J'ai oublié de préciser, mais je pense que du coup, c'est paru clair après, enfin évident après, mais que la règle disant qu'en dimension 2, on ne peut pas avoir d'autres symétries que 2, 3, 4, 6, évidemment, s'étend à la dimension 3. Hein. Je n'ai pas précisé, mais ce n'est pas du tout évident. Mais il se trouve qu'en fait, en dimension 3, c'est pareil, on ne peut pas avoir d'autres symétries que ça. Enfin, pour des passages périodiques, encore une fois, et pas quasi périodiques. Et je vois que Pascal a parlé de Marie Curie, qui effectivement est apparemment, je crois, l'autre seule personne à avoir eu de prix Nobel. C'est dans des domaines différents, non? Ah bah oui, je crois, de toute façon, tu peux pas l'avoir deux fois dans le même. Ça doit être physique et chimie qu'elle a dû avoir, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, physique et chimie, ouais. Et Pauling, là, c'était paix et chimie. Paix et chimie, c'est pas mal quand même. Hein. C'est un peu la classe, ouais. C'est pour ça que t'as du mal à taper sur quelqu'un comme ça, quoi. Et quand il t'agonie d'insultes, ben... Tu te fais petit, quoi, alors que c'est toi qui as raison, c'est quand même dur. Bon, finalement, il a eu son prix Nobel aussi, non? Oui, il a eu son prix Nobel en 2011. Ouais. Alors juste d'ailleurs, si je peux finir, je finis avec une grosse page de pub. J'avais oublié d'en parler dans mon dossier, mais tant qu'à faire, je peux en parler quand même. En fait, on a au Palais de la Découverte, on a un mur avec un pavage qui est quasi périodique, justement, une manip où on peut faire soi-même un pavage quasi périodique en suivant une règle assez simple à suivre. Et en fait, c'est quelque chose qui nous a été proposé par deux personnes. Un mathématicien défroqué qui est devenu artiste et qui s'intéresse énormément au pavage du Maghreb, comment on appelle ça, on n'appelle pas ça des pavages, aux décorations, quoi. Je retrouve plus le mot, qui effectivement vont en fait ressembler énormément à certains pavages quasi périodiques qu'on connaît, et un chimiste cristallographe, Denis Gracias, qui en fait a été l'un des premiers à bosser avec Schechtmann, et qui en fait, enfin, d'après ce qu'on a compris au moment de la remise du prix Nobel à Schechtmann en 2011, il aurait pu, s'il avait mis une deuxième personne, ça aurait probablement été lui, quoi. Ça a été une des personnes les plus importantes là-dedans. Des mosaïques, oui, ça doit être ça, merci Alan. Et donc voilà, donc on a ça au Palais de la Découverte. On a un mur entier d'un pavage quasi périodique qui n'est pas le pavage de Penrose, qui est celui qu'on voit le plus, où il n'y a pas des étoiles à 5 branches, on a 8 branches et des symétries d'ordre 8. Et on peut soi-même en fait construire son pavage quasi périodique. Ça doit même se trouver sur le site internet du palais d'ailleurs. Voilà, pour ceux que ça intéresse, ça peut être sympa d'aller voir ça. Et donc il y a LJ qui précise dans la chatroom les. Ah oui, personnes qui ont reçu plusieurs fois les prix Nobel, et donc ils peuvent avoir plusieurs fois les prix Nobel, par exemple la Croix-Rouge, les Nations Unies, qui ont eu plusieurs fois pour le prix Nobel de la paix. Oui, on va pas leur dire. C'est bien ce qui me semblait, il y a Marie Curie, et tu peux même avoir, il y a eu deux prix Nobel de physique pour John Bardeen. D'accord. Ce qui est quand même solide. Et donc Marie Curie, c'est une des seules qui a eu dans deux disciplines différentes, comme Pauling. Comme Pauling. Voilà, bon, bah, je sais pas si. On va passer aux questions, ouais. Ah, il y a des questions. Allons-y. Ouais, bah, d'ailleurs, Irène, tu avais une question. Oui. En fait, ça m'a fait penser au fractal, moi, cette définition de la cristallographie. Je me demandais par la définition, on va dire, mathématique. Elle est très différente dans les fractales. Alors, LJ, il a un peu précisé, mais. A priori, je ne vois pas trop le rapport des fractales, si ce n'est qu'effectivement, on retrouve le même type de symétrie, enfin, on retrouve les mêmes symétries à toute échelle, quoi. Si on retrouve les mêmes structures à toute échelle. Mais de là, parler de fractales, c'est un motif. C'est comme ça. C'est un motif qui se répète et qui. Je vois plus ça vraiment comme des briques qu'on assemble, quoi. Enfin, c'est pas que moi d'ailleurs, hein. Quand on regarde de la cristallo. C'est vraiment des briques qu'on assemble, et il y a même des modèles d'ailleurs pour étudier, en fait ça c'est vachement intéressant aussi, j'ai pas pu en parler parce que j'ai pas pu parler de tout, puis là pour le coup sans images c'est vraiment très compliqué. Si on prend par exemple, on peut regarder, on prend des petites briques cubiques et on les assemble. On fait une forme avec ça. On prend un cube formé de plein de petites briques cubiques. Et en fait, si on donne des contraintes au truc, on imagine c'est un cristal qui est en train de se former avec des petites briques cubiques qui s'assemblent, comme ça, qui viennent s'agglomérer petit à petit au machin. Et on imagine par exemple que c'est en train de se former avec une forte pression, parce que c'est dans un volcan, j'en sais rien, tout ça, j'y connais rien, mais machin, c'est sous terre, machin. Et donc il y a une pression horizontale qui se forme. Et donc en fait, ça va croître plus vite dans les directions horizontales que verticales. Donc par exemple, on va dire, j'agglomère mes briques cubiques, mais ça grandit plus vite dans une direction que dans l'autre. Et bien ça va donner des polyèdres qui vont avoir la forme des cristaux qu'on trouve effectivement dans la nature. C'est vraiment plutôt cette histoire de briques en fait hein, qui me parle, comme les tablettes de chocolat au début. Je sais pas si ça t'a parlé comme image, mais oui, voilà, parce que les formes des cristaux vues de l'extérieur, vues de loin, c'est plutôt des choses extrêmement lisses, au contraire, c'est des choses très, ça fait des faces planes quoi. Et les fractales, l'idée c'est des trucs très tarabiscotés quoi. Donc je vois bien ce que tu veux dire, hein, mais je pense que c'est pas très adapté les fractales pour les cristaux. Non, c'est que je vois bien que c'est différent, mais dans la définition, c'est comme je suis pas mathématicienne, tu peux dire que c'était un peu la même chose en fait. Comment on répète un motif. Les fractales, l'idée c'est quand même que c'est des choses très en désordre, très très très irréguliers. Alors que là, le cristal, c'est à l'inverse, le truc le plus régulier que tu puisses imaginer, quoi. Donc c'est une question de symétrie alors. Ouais, enfin bon, après, ouais, enfin non, il y a des fractales qui sont très symétriques. On va pas s'en sortir comme ça. Non, ok, d'accord. Ok, ça marche. Passons à l'autre question. Il y avait David Loureiro, qui nous disait que ça lui faisait penser au livre La symétrie ou les maths au clair de lune de Marcus de Sautoy. Ouais, ça te dit quelque chose, oui. Robin? Oui, bien sûr. Je suis un entame. Moi, je ne lis pas les bouquins, je discute avec les gens qui ont lu les bouquins. Mais du coup, j'ai beaucoup discuté avec mon collègue de bureau qui a lu ce bouquin-là. Donc, globalement, je crois que je sais à peu près ce qu'il y a dedans. Mais je ne l'ai pas lu moi-même. Mais oui, bien sûr, ça parle de toutes ces choses-là dedans. En fait, on a fait au Palais des Couvertes, en face de ces fameux quasi-cristaux, enfin pavage quasi-périodique et expo sur les quasi-cristaux dont je vous parlais, on a fait une exposition sur les pavages et sur les symétries et en lien avec les cristaux avec nos collègues de chimie. Et donc à cette occasion-là, on a vraiment lu, on s'est vraiment renseigné. Donc moi, j'ai pas lu de livre, mais je me suis renseigné. Et effectivement, c'était un des bouquins centraux. Après, à titre personnel, Marcus du Sautoy, j'adhère pas à tout ce qu'il fait, mais bon, faut reconnaître qu'il fait des choses. Il y a des vidéos qui existent, qui sont quand même, qui embarquent très loin, qui racontent plein de choses, qui sont pas mal du tout. Il y a juste un côté un peu mystique qui m'emmerde en fait. Mais sinon, oui, c'est très bien. D'accord. Ensuite, il y avait Pascal qui se demandait si ces définitions elles étaient valables uniquement dans une géométrie. Gigi a dit oui. Ouais. C'est une excellente question. Si Gigi a dit oui, je ne vais pas me mouiller à dire autre chose. A priori, je ne vois pas. Enfin, je vois pas pourquoi on n'aurait pas le droit de parler de trucs périodiques en géométrie non euclidienne, mais. Quand j'ai jamais trop réfléchi à la question. C'est marrant parce que quelqu'un m'a posé ce genre de question, m'a fait penser à ça il n'y a pas longtemps. J'ai pas du tout pris le temps de réfléchir à ce que ça pouvait vouloir dire, si ça pouvait avoir un sens intéressant ou pas. Mais je. Il y a des pavages périodiques en géométrie hyperbolique, enfin sur une selle de cheval, si ça parle plus aux gens. Ça existe, mais. Donc je vois pas. Oui, d'ailleurs, il précise bien. On peut paver avec tous les polygones réguliers dans un espace hyperbolique. Ouais. Donc, je vois pas trop pourquoi on pourrait pas parler de la même chose. Hein. Ah oui, non, voilà, oui, c'est ça. Oui, non, c'est ça, ouais, donc LGG se corrige. Ouais, non, je vois pas trop le problème d'étendre ça à d'autres mondes, hein, soyons fous. Hein. Ah, si vous voulez, d'ailleurs, je peux envoyer un tout petit peu du rêve aux matheux, j'ai le droit. J'ai dit une phrase que personne ne va comprendre, même pas les matheux, mais ça va leur envoyer du rêve. En fait, il y a des pavages quasi périodiques. Alors, je sais pas si c'est tous ou pas parce que j'ai pas assez creusé la question, mais je trouve ça assez génial. Donc, en discutant avec Denis Gracias, le chimiste, le cristallographe qui est venu bosser avec nous, il nous a expliqué en fait les pavages quasi périodiques pour beaucoup qui modélisent les cristaux, les quasi cristaux. Ce sont en fait des pavages périodiques de dimension 6 qui sont projetés en dimension 3 suivant une bonne direction. J'adore. Donc en fait, lui, il nous parle de dimension 6 et il est super à l'aise et il comprend vachement bien ce qu'il raconte. On peut me parler des matheux qui sont dans leur monde et que personne ne comprend, mais les cristallographes, ils sont bourrins aussi. Il y avait une question de Piotrus qui demandait s'il y avait des rapports entre les cristaux et les nombres premiers. Des briques élémentaires qui permettent de construire tout le reste. Ouais. on va peut-être pas s'emballer jusque-là. Là, je vois pas trop quel lien on pourrait faire. Après, oui, en termes de briques élémentaires qui permettent de faire tout le reste, moi, je veux bien, mais là, on va pas... Alors après, on pourrait dire qu'on peut chercher toutes les formes de briques qui permettent de faire des pavages périodiques. Ça, c'est quelque chose qui existe. Il y a un résultat très récent dont j'ai entendu parler, qui est très très beau, où en fait, quelqu'un a trouvé que tous les polyèdres qui pouvaient paver l'espace, c'est-à-dire qui peuvent remplir l'espace en espèces de blanc, là, peuvent être construits à partir d'un polyèdre unique. C'est-à-dire qu'en fait, il suffit de prendre ce polyèdre. Alors en fait, il en faut deux, parce qu'il faut le polyèdre et son image dans un miroir. Comme une main gauche et une main droite, ça ne se superpose pas. Et si on prend ces deux polyèdres-là, eh ben on peut fabriquer avec un cube, par exemple, qui pave bien l'espace. On peut fabriquer toutes les formes qui pavent l'espace. Alors, je vais pas bourriner, mais octet, tronqué, dodécaèdre, rhombique, tout ça. Voilà. Donc ça, ça serait des belles briques élémentaires. Mais enfin, le rapport direct avec des nombres premiers, là, je vais quand même avoir du mal. Là. J'ai beau aimer faire des rapprochements, là, ça va être compliqué. Et sinon, il y a LGJ qui nous met une belle image de... Du pavage avec des flocons de coche. De fond de corps. Ah oui, oui, bah oui, on peut pas avec. De corps, pardon. Oui, oui, oui. C'est pas grave. Mais oui, oui, c'est très, très beau, ça. Et après, le pavage avec les flocons de fond de corps, bah, j'en attendais pas moins d'LGJ. Et sinon, LGJ a déjà répondu à la question aussi dans la chatroom, mais je pense que c'est une question de rapidité de Nabla, parce qu'on a beaucoup parlé des prix Nobel de la Croix-Rouge. Combien de symétries dans la Croix-Rouge? Ah ben, les mêmes que le carré, a priori. Hein. C'est pas... Voilà, bah, c'est un bon exemple. C'était la bonne réponse. Ouais. Les mêmes que le carré, ouais, ouais, bah c'est. Oui, oui. Et je crois que c'est tout. Et ben voilà, bah, très bien, tant mieux. Enfin, tant mieux, non, tant pis, ça aurait été bien discuté, mais ça veut dire que c'était pas trop pour. Ou alors c'était incompréhensible. Non, c'était super intéressant. Hein. Bon, bah, tant mieux. Et ben voilà, hein, je sais pas trop quoi dire d'autre, hein, c'est fini, et voilà. Il faut que je dise quelque chose maintenant. Bah, si on a récupéré Irène, tu peux nous faire le pitch de ton dossier de la semaine prochaine? Ouais. Ouais. Bon, alors le pitch la semaine prochaine. Alors, on en parle tous les jours. C'est peut-être le sujet de conversation le plus banal et le plus utilisé pour faire connaissance ou pour meubler un silence. Mais c'est aussi plus sérieusement une préoccupation constante pour les agriculteurs, les aviateurs, les amateurs d'escargots. Oui, la météo, c'est l'affaire de tout le monde. Alors, comment se forment les ouragans? Pourquoi les nuages ne tombent-ils pas du ciel? C'est quoi un front? Comment se font les prédictions? Comment décrypter une carte météo? Voilà, venez en discuter avec nous. Venez parler de la pluie du beau temps. Ça sera la semaine prochaine, le 28 octobre, sur Podcast Science. Ah, très bien, cool. Hâte d'entendre ça. Ouais. Ça va être de la météo. C'est vraiment pour les gens qui ne connaissent pas... Hein. C'est de la météo de base. Hein. On va pas parler d'équations mathématiques. Météo pour les nuls, vas-y, météo, c'est vraiment comment se forment les nuages. on va dire pour les gens qui en ont jamais fait. Quoi. C'est ce qu'il faut. Mais c'est une histoire. Hors de front, comment se forment les orages, pourquoi il fait froid, pourquoi il fait chaud, tout ça, c'est intéressant. Mais encore une fois, c'est pour les gens qui n'ont jamais fait météo. Voilà. Très bien. Robin, tu es venu avec une cote? Ok. Je suis venu avec une cote. Alors, avec une cote, d'habitude, c'est des trucs genre, c'est bien, c'est pour dire que les scientifiques sont des gens bien, c'est pour dire que la science, c'est un truc bien, tout ça. Là, je suis venu avec une des citations de Linus Pauling en train de pourrir Shechtman, que je trouve particulièrement classe, même s'il avait évidemment tort, mais c'est quand même classe. Tu lui en veux. Il a dit un jour, il n'y a pas de quasi-cristaux. Tu lui en veux à Pauling. Ouais, non, mais non, je trouve ça drôle. Non, moi, je trouve ça drôle. Moi, j'aime bien quand les scientifiques se plantent. Moi, tu sais, ça, y a rien qui me fait le plus plaisir. Je l'ai pas amené en anglais. Je sais plus. Évidemment, il l'a dit en anglais à la base, mais je l'ai pas amené en anglais. Je sais plus où aller. Donc voilà, la citation, c'est « Il n'y a pas de quasi-cristaux, juste des quasi-scientifiques. Ouais, » Prends ça dans ta gueule, Shechtman. Non, mais c'est excellent. Alors, il a pas dit ça après, mais... Il est hyper connu, Pauline. Exactement. C'est fou, hein. Ouais, c'est fou. Si t'es quelqu'un qui s'est planté, c'est pas mal. C'est classe, non? Ouais. Comme quoi, il faut jamais se moquer des autres, hein, comme quoi. Ça peut nous revenir à la figure. C'est une bonne leçon. Ouais, exactement. Pour faire rentrer son ego parfois. Très bien. On enchaîne avec les plugs. Ouais. Plusieurs plugs. On va commencer par les Golden Blog Awards. Donc, dans la chatroom, on a LJJ. Donc, bien sûr, allez voter pour son super blog. Il a sorti un article excellent. Je ne sais pas si vous l'avez lu sur les boîtes d'Arthur. Enfin, avant, c'était Arthur. Maintenant, c'est plus Arthur. Mais bon, allez sur son site, allez voter. C'est une vidéo, quoi. Truc de dingue. Un deuxième plug pour Lisez la science, qui vient juste de sortir son épisode. Donc là, cet épisode est consacré à Stéphane Jay Gould et son livre « Quand les poules auront des dents ». Donc bah, allez-y, n'hésitez pas. Hein. Enfin, c'est super podcast. Si vous écoutez pas encore, on vous le conseille fortement. Et enfin, dernier plug. Alors, c'est pour une nouveauté sur Podcast Science. Vous allez très bientôt pouvoir vous inscrire pour recevoir la newsletter. Alors, je ne vais pas trop vous en dire. Vous verrez ce qu'on vous prépare. Vous pourrez vous inscrire très rapidement sur la home du site. Donc, on vous rappelle, c'est podcastscience.fm. Et vous pourrez y retrouver à peu près toutes les news qui concernent le podcast. Ce sera une newsletter hebdomadaire. Donc, on ne va pas vous spammer tous les jours, on vous rassure. Et ça devrait commencer à partir de dimanche. Donc, bah, de toute façon, on fera de la com dès que vous pourrez vous inscrire. Ça devrait être en place d'ici demain ou après-demain maximum. Voilà, donc on vous attend nombreux sur cette newsletter. Vous avez d'autres messages à passer, plugs, des choses que vous avez envie de partager? Je sais pas, je déménage samedi, s'il y en a qui veulent venir m'aider. Voilà, c'est vrai. Donc Robin déménage à Paris, Robin. Ouais. Donc vous pouvez nous envoyer un message, on vous transmettra ces deux adresses. C'est quand? Pardon, je suis un peu... Non, c'est samedi. Non, mais c'est pour ça que je suis un peu... Non, il ne faut pas que je cherche d'excuses. Je suis toujours à la maramasse, mais... Bah, c'était pas mal, là. T'étais bien préparé. Oh là, à fond. Il y a même un presque dossier écrit, là. Ouais. Je pense qu'il y a encore pas mal de fautes d'orthographe. Il manque toutes les images à peu près, mais tout va bien. Ouais, mais celui-là, je vais le récupérer. Celui-là, il sera publié, Robin. Très bien. Bah, les autres, vous avez quelque chose à ajouter? Non, non. Très bien. Merci Randall Flagg aussi pour son illustration. Ouais, bien sûr. Et on n'avait pas ni Pouillot ni Inti dans la chatroom, je ne sais pas, mais merci Randall Flagg pour assurer l'illustration du podcast. Okay. Bah oui, merci. Je suis en train de découvrir là qu'il y a un dessin là. Merci. On conclut? Eh bien, concluons la foi. Comme d'hab, que vous ayez aimé ou pas, surtout ne restez pas les bras croisés, inondez-nous de courriers, de commentaires, de likes ou pas, de tweets, de retweets, de clins d'œil, de dons, de cadeaux. Vous pouvez faire tout ça sur podcastscience.fm, Facebook, Twitter, iTunes, SoundCloud, bref, tout l'Internet mondial. Bientôt, vous pourrez vous inscrire à la newsletter. Merci encore à tous nos poditeurs et poditrices adorés d'être fidèles au poste chaque semaine. On se retrouve le 28 octobre avec Irène qui nous parlera de météo. D'ici là, bonne semaine à toutes et à tous. Que servir la science à votre joie. J'ai hésité un moment à le faire en chantant, puis je me suis dit non, ça va être vraiment trop ridicule, et puis je peux pas faire deux notes en même temps. Et comme il y en avait un, j'avais besoin de faire deux notes en même temps, c'est pas possible. Et puis voilà, puis ça aurait été dommage, on n'aurait pas eu les boum boum sur le mur de mes voisins. Quoi. À 9h15, parce que je fais trois notes de piano, quoi. Mais c'est clair que, alors par contre, c'est clair que si j'avais de l'argent et du temps, on verra quand on fera faire la cuisine, mais si j'avais de l'argent, putain, qu'est-ce que je triperais à avoir un pavage de Penrose dans ma cuisine. Ah, il y a Pascal. Ah, Pascal, t'as pas compris la base 12. Bah, ouais. Si, bah, en fait, le truc, c'est que, sur un piano, il y a 88 notes, mais entre un do et un do, il y a 12 notes. Si tu prends les notes blanches et les notes noires, il y a 12 notes. Donc, le but, c'est que, en fait, de pas se contenter de 10 notes sur les 12, parce que sinon, c'est arbitraire, c'est bizarre, ça rend pas vraiment l'aspect. autant que ça devrait. C'est pas quoi. Fidèle. Donc en fait, le mec a écrit pi en base 12 avant de le jouer. Maintenant, 10 chiffres en base 12, tu rajoutes deux chiffres. T'as 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, AB. Et donc, pour compter, tu fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, AB, 10, enfin 1, 0, et 1, 0, en fait, ça veut dire 12. Et 1, 1, tu... Et donc, en fait, pour compter, pour transformer en base 12, tu comptes combien il y a de 12, combien il y a de 24, combien il y a de... Tout ça, tous les paquets de 12, les paquets... Enfin, pas de 24, d'ailleurs. Combien il y a de 12, combien il y a de 144, etc. De paquets de 144. Et ça te permet de l'écrire en base 12. Et pour après la virgule, c'est la même chose. Tu comptes, au lieu de compter les combien il y a de dixièmes, combien il y a de centièmes, combien il y a de milliers, de millièmes, pardon, tu comptes combien il y a de douzièmes, combien il y a de 144e, combien il y a de 140e, bref, voilà. L'idée, c'est ça. Et donc, on peut très facilement traduire un nombre en base 10, de le traduire en base 12. C'est pas compliqué, ça. C'est pas un problème. C'est comme le transformer en base 2. Hein. C'est juste qu'au contraire, au lieu d'enlever des chiffres, on en rajoute, quoi. Je l'ai fait vraiment très rapide. Hein. J'ai fait à la rafle. Comme un gros dégueu. On ne peut pas compter si c'est infini. non, mais en fait, quand tu prends pi égale 3,14. Par exemple, ça veut dire. Enfin, 3,14, machin. 1, ça veut dire que c'est un dixième. Et après, en fait, c'est pas fini. Donc, pour continuer, on prend 4 centièmes, et puis après, on prend 1 millième, etc. Et donc, en fait. Eh ben, tu peux dire que 1 dixième et 4 centièmes, tu vas regarder, ça fait ben, 1 douzième, c'est plus petit qu'un dixième. Donc ça veut dire que là, en base 12, ça va trop commencer par 3,1, là encore, parce qu'il n'y a pas assez pour faire 2 douzièmes, 3,1. Et après, le truc, c'est que le 1, là, il signifie 1 douzième, il ne signifie pas 1 dixième. Donc il reste quelque chose. Ce quelque chose additionné à 4 centièmes, puisque c'était 1,4, et machin, tu comptes combien ça fait de 144e. Donc, au lieu d'écrire le nombre sous la forme 1 entier plus 1 entier sur 10 plus 1 entier sur 100 plus 1 entier sur 1000, etc., tu écris 1 entier plus 1 entier sur 12 plus 1 entier sur 144 plus 1 entier, etc. Et donc là, ça te le traduit en base 12. Ah, pour moi, c'est plutôt bon. Bon, ils ont dit effectivement, et pour moi, c'est plutôt bon, donc ouais. Je prends ça comme... Le plus tôt, c'est... Ouais, bon, admettons, ouais. Je te reposerai pas de questions, quoi.